et en train de, tu sais, genre, c'est toutes les... Les étapes, là. Ça, bref. Et ça a pas l'air peu cher, mais pour l'instant, c'est pas... Ils envoient sur ton compte Twitter pour dire au monde, là, je suis en train de me faire un cosmopolitan. Je suis en train de le shaker. C'est ta Snapchat. Je suis en train de le faire carboniser. Exact. C'est Snapchat, le My Face. Et c'est tout pour cette chronique-là. Ça va faire. On a besoin de passer à la chronique de Tania tantôt, donc on va arrêter ici. Et puis on va encore parler de bouffe. Génial. C'est vraiment les jeux du bouffe, hein? Je pense que oui. Une grosse boîte d'adresse, il vient sur assemblagerequis.com. Merci, Dani Janvier. Merci, Dani. Merci à vous autres pour les poissons. J'ai vu passer le prochain invité de la prochaine émission tout à l'heure. Rapidement, si jamais tu veux y amener des goldfish au pizza. Il est pas tant à la bonne place, même si ça reste orange, le sac. Hein, oui, c'est ça. Ah, mais c'est pas grave d'avoir une voix grave, parce qu'on va se rendre ça un petit peu plus aigu, peut-être, parce qu'on va avoir tellement de plaisir. Puis parce que Tania va parler. C'est ça. Et le juste milieu qui s'appelle Justine Renaud. Voilà. Voici une grosse boîte d'adresse. Une grosse boîte d'adresse. Avant de commencer la chronique, on va prendre les présences, mais à la place de les faire par ordre de grandeur, on va les faire par ordre de dégustation de voix. Okay? Fait que présence. Présent. Présent. Présent. Tu vois, c'est exactement à exactement la même note de distance, je pense, Audrey. À peu près. C'est parfait, non? Donc, une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à des produits du tiroir, c'est-à-dire des produits qu'on achète en épicerie ou dans un dépanneur ou dans un commerce où on ne devrait pas nécessairement aller, dans les rangées où on ne devrait pas nécessairement se pointer parce que c'est pas nécessairement bon pour la santé. C'est la présentation de la chronique, c'est le résumé en 6 lignes, je pense. Galipo. 6 lignes Galipo! 6 lignes Galipo, c'est écœurant, ça. Okay. Donc, le produit que j'ai à vous présenter aujourd'hui est situé en dessous de la table. Et je vais tasser Tania de là. Mon Dieu, que c'est gratuit et dégueulasse. Ouais, c'était pas pire. Hein? Donc, attention, je sors ça d'ici. J'ai deux sacs, là. Je me suis lâché l'os dans les deux sacs. Là. OK, moi, j'avais jamais vu ça encore. Là. C'est de l'écorce. Ah! C'est le choix du président pour commencer. Aux pommes, ça va mourir. C'est des écorces croquantes aux noix, à cannelle et arôme de pomme, d'un côté, et arôme de fumée icorie de l'autre côté, un peu comme les patates juliennes là, en sac. Là, ça. Puis comme tu peux entendre dans... je sais pas dans quoi qu'on pourrait bien le faire entendre. Ah oui, tiens, on va le faire entendre dans le micro magique. Cherchez le micro magique. Attention, il est là. C'est bien solide comme icorie. Hey, ça a l'air dur, hein? C'est quand même dur. Il va falloir le frapper sur la table pour essayer. Est-ce que c'est comme les palettes de caramel dans le temps quand t'es jeune? Ça ressemble à ça. C'est les petites palettes là, cassées en morceaux avec des noix dedans et d'autres trucs de saveur. Celui cannelle et arôme de pomme est quand même... Déjà cassé. Pré-loussé, je dirais. Pré-loussé. Alors que l'autre est... Il y en a pas mal de même, hein? C'est qui? Lucy in the Sky with Diamonds. C'est si qui, on... là? C'est qui? C'est les mythos, ça? Ben oui. Parce que, gars, on entend juste la poudre, le reste de la plaquette est complètement pogné dedans. Dommage. Bizarre. Bref, donc, c'est le choix du président. Je vais lire sur le sac de cannelle et pommes, juste pour voir. C'est « Laissez-vous tenter par le goût et la tradition des confiseries, le choix du président de délectables sucreries, chocolat et délices de qualité. Un classique réinventé, ce croquant sucré et doré au goût de beurre est préparé à l'ancienne avec des noix, de l'arôme de pomme et un soupçon de cannelle. Alors que l'autre sac dit... Un classique réinventé, ce croquant sucré salé est préparé à l'ancienne avec des amandes rôties, de l'arôme de fumée icorie et un soupçon de sel de mer. Il y en avait un qui était seulement au sel de mer, je me suis dit saveur trop de base et à 4$ le sac, je vais pas en acheter 3. Donc on est allé avec juste, même si je pense comme 4,50$. Donc on va acheter juste 2 sacs, ça va faire la job. Là, je vais te lancer le sac d'icorie. Va falloir transitionner si Justine veut m'aider à la procession du lancer du flambeau, de le passer de l'autre côté. Pour pouvoir entendre ça du côté de Tania. Le micro magique est quand même amovible, comme on appelle. Et là, je vais te lancer le sac et j'aimerais ça qu'on l'entende atterrir par terre tellement qu'il est lourd, OK? T'es sérieux? Oui, oui. Attention. OK, c'est bon, vas-y. Je lance, OK? Je m'attendais pas à ça, puis je suis là. Mais check, on a quand même cassé un peu. Ah, ben c'est ça qu'il fallait, le frapper sur la table le plus possible. Frappe-moi ça contre la table, OK? Un jour, on va l'avoir, on va faire des bosses dans la table. Pas de blague? Ça a fait une marque sur la table. Ben non, c'est pas vrai quand même. Oui. C'est pas vrai. C'est vrai, devant la justice. Aïe, ben non, c'est une table de bois super heavy d'outils. Ben ouais, puis c'est de l'écorce, ça. L'écorce, ça bat le bois. C'est comme quand on joue à Roche et Corps Stable. Ouais, tour 2 par 4. Comment, Tan? J'ai dit dispose amende, c'est tour 2 par 4. C'est ça. bon. Donc, on va ouvrir chacun de notre côté un sac, puis on va goûter après. Okay, attention. J'adore ça. Oui, vas-y. Okay, on ouvre le sac dans le micro-magique. Ouvre. Et que c'est dur. Okay. Il n'y a pas juste qu'il y a dedans qui a l'air dur, l'ouvrir aussi. est-ce qu'on met la main dedans au micro aussi? Oui. Ou, Ça sent le sucre, les amis. J'espère. Voilà, c'est fait, j'ai mis ma main dedans. Bon, tu n'as pas pris un morceau? Mais pas de suite, je voulais faire piger Justine avant. Oh mon Dieu. Je vais juste lire en arrière avant de choisir mon morceau. Savez-vous pourquoi? Non, on lit pas les quantités de calories. Parce que, non, c'est pas ça. Okay. C'est pour les valeurs nutritives, c'est écrit pour environ 4 morceaux. Hey boy, tu manges beaucoup à la fois, toi? Non, mais c'est pas ça. Mais c'est parce que les morceaux sont toutes de taille très, très, très différentes, ouais. Ma foi. Fait que, admettons que je dis que je vais prendre... T'as pris vraiment un petit morceau, là. Ouais, je sais. Est-ce que t'as tous les ingrédients? Ouais, parce que c'est marqué 40 grammes. 40 grammes par plaquette. Je suis pas bonne pour mesurer des grammes. Je suis pas dans le trafic de drogue. Tu sais, là, les éponges. Oui. Ouais, c'est éponge un petit peu, mais j'en ai moins de bulles. J'ai poigné un gros morceau, moi. Oh boy! Est-ce que tu me passes la sac? Ça sent bon, en tout cas. Oui, ça sent très bon. Je vais sentir. C'est un peu salé, hein? Moi, j'ai pris un morceau épais. En fait, je pense que c'est deux plaquettes pognées ensemble. Ouais, je pense. Mais moi aussi, j'en ai une comme de pognée sur l'autre. Est-ce qu'on se met ça dans la bouche d'un coup? D'un coup ou on croque? Là, toi, tu goûtes du café. Est-ce que c'est pour enlever ton goût précédent, comme on fait des fois pour sentir le café? Non, c'est pour réveiller mes papilles. Ah, d'accord. on y va? Go. Tout le monde, go. Comment tu es capable de croquer? Ah, oh, croque quand même bien. Ouais. C'est que j'ai du polydent. J'ai goût de bacon. Wow! Voyons, Mathieu, tu vas te faire une crise de cœur. Non, non, j'ai vu. On a vu le gobelet de café. C'est. on laisse voir les détails. Mais c'est très bon, ça goûte le bacon pour vrai, hein? À cause de la fumée de hickory. Ouais. Tu aurais clairement fait ça. J'en mangerais pas, genre, 4 morceaux. Non, vraiment pas. Hey, je lance au sac pour que tu puisses l'ouvrir pendant que je marche. Attention. On a fait un dommage collatéral, un lipsil. À chaque point, une aide. Vraiment, mais c'est tellement sucré que... Ma dentiste ne sera pas contente. Oh. Ah, ça, c'est plate quand ça arrive. Je l'ai mal ouvert. Il y a une fermeture éclair, hein? C'est pas fait pour être mangé d'un coup sec. En tout cas, j'espère pas. Ça va pas bien, ça ouvre pas. C'est pas un zip, en fait, c'est un zip plate, patron. Moi, je m'en allais dire autre chose, mais c'était trop niaiseux. Là, moi, je trouve qu'on fait de la bonne radio, Adam. Ouais, c'est très léger cette semaine, hein, comme radio. Il se passe pas grand-chose pendant comme de longues périodes de temps. Je devrais remplir ce temps-là, mais je suis encore en train de marcher mon affaire. Mais c'est parce que j'essaie de l'ouvrir, mais il est comme... Est-ce que tu veux qu'on aille chercher des ciseaux? Ben, vas-y donc. Non, mais je vais te laisser aller chercher les ciseaux pendant que je fais des nouvelles de fast-food, ça te va? OK, vas-y. Dans le bureau à côté. Commençons par Coca-Cola qui va commencer à fabriquer des bouteilles faites à partir de matériaux de plantes. Oui. Justine, c'est quand même cool. Est-ce que t'avais vu ça? Ben, il y en a pas déjà des plantes à 33% de plantes? Pas chez Coca-Cola. Ben, pas des plantes, excusez-moi. Pas chez Coca-Cola. Il y en avait de d'autres compagnies, mais pas chez Coca-Cola. Ah, OK, c'est pour ça, mais t'attends. C'est exact. Donc, les bouteilles vont pas changer le goût du Coke ou du Coca-Cola en général, de toutes les sortes qu'ils vont faire, mais les contenants vont être faits à 100% à partir de matériaux de plantes. En fait, de bouts de plantes, si on veut. C'est selon le Milwaukee Journal Sentinel. C'est des plant bottles faits à partir de cannes de sucre et de déchets de la manufacture du sucre de canne. Sucre de canne. Mm-hmm. T'es revenu avec les ciseaux, hein? C'est pour ça que tu me regardes dans la... OK, vas-y. On a des ciseaux! Hein? Hey, des ciseaux achetés où, ça? Hein? C'est pas un commanditaire. Je sais pas, mais t'as l'air d'être gauchère un peu, toi. Ouais. C'est bizarre, une gauchère. Hein? Ça a pas l'air. Ouais. Je suis pas sûre qu'on entend le fait que je coupe. Oui, moi, j'entends très, très bien dans mes écouteurs ici. Ouais. Bon, on va pouvoir enfin goûter à ça. T'as enfin l'attente. Ah, il était temps. Je vais me sortir la musique de Jeopardy, donc. Déjà, j'ai même pas encore ouvert le sac, ça sent. Ça sent la pomme? Ouais. La cannelle? Mais oh! Oh! On rappelle qu'on goûte à l'écorce du choix du président à saveur de cannelle et arôme de pomme, alors qu'on l'avait goûté précédemment à arôme de fumée et curry. Tu sais, là, les suçons verts à la pomme verte quand t'es jeune? Ou la plasticine à la pomme verte? À la fausse saveur. Ben, en fait, c'est marqué arôme de pomme. Il n'y a pas de vraie pomme dedans. Fait que je ne meurrai pas, mais si jamais il y a de quoi, mon épipène est dans mon sac au bord. OK. C'est vrai, j'avais oublié qu'il était allergique aux pommes. Ça sent le plastique. J'avais pas pensé à ça, pas en tout. Mais c'est la même chose avec... j'ai fait la même chose l'année passée. Veux-tu sentir? Oui, c'était bien. Avec Stéphanie qui était enceinte, on se rappelle qu'on l'a révélée seulement en juin. Fait que ceux qui n'étaient pas là en juin ne savaient pas qu'elle était enceinte. J'avais amené de l'alcool à un moment donné, puis elle me dit « Ben, je peux pas boire ça. » Là, j'étais comme, tu sais, en ondes, j'étais comme, ben, OK, ben, on va le goûter tout seul. Genre, je vais le goûter tout seul, t'sais. Mais j'avais pas les allergies sont quelque chose qui sont dures à retenir dans la vie. Tu sais, mettons Tania qui me dit qu'il est allergique aux pommes avant-hier, je devrais m'en rendre compte pour le surlendemain. Mais c'est correct, c'est des arômes artificiels. C'est ça, donc tu devrais pas avoir de problème. Je devrais pas avoir de problème. OK, donc je m'en prends une plaquette et je vous renvoie le sac. Mais l'odeur de pomme est pas trop pire. Je trouve qu'ils ont bien réussi. Ça a l'air de sentir la vraie pomme. Tu trouves? Moi, je trouve un peu. Non? Justine n'a l'air vraiment pas sûr. Ben, les pommes vertes. Ouais, ben oui. Les pommes vertes, oui, quand même. Ouais. Mais on dirait pas le faux pomme comme un surligneur, un crayon feutre pour enfants, mettons. Ben, je trouve que ça sent la plasticine, même. Fait un peu. Ça goûte les. Ça, je sais pas. Ça sent les. Tu sais, les rouleaux fruits. Ah, c'est pas fou. Est-ce qu'on goûte? On goûte. Go! Le moins que l'autre, on dirait. Ouais, hein? Pourquoi c'est aussi sucré que ça, alors que c'est pomme et cannelle, c'est supposé être pas trop sucré? Ça goûte le gruau, par contre, le gruau pomme et cannelle. Ça goûte pas assez la cannelle. Ouais. Ça goûte pas assez la cannelle, c'est vrai. Justine, tu l'as sucé, toi? Ouais, mais en fait, la semaine dernière, j'étais pas là à cause d'une chirurgie buccale. Puis je peux pas manger des affaires comme trop dures, fait que je le suce. Fait que je fais la... J'y vais pour une autre technique, je suce mes morceaux. Mais ça suce très bien, ça dure plus longtemps. Mais je trouve que je me suis très mal entouré pour cette chronique-là. Bon. Une allergique puis une... Ben, c'est ça, une buccalement handicapée. Une post-chirurgicale, ouais. J'aurais pas pu choisir les deux pires personnes pour accompagner cette chronique-là. C'est-tu moi ou... Je sais pas si c'est la cannelle, mais j'ai comme une sensation de numbness, là, genre ma langue est molle. Ouais. T'es sûr t'es pas allergique, toi? Non, mais pour vrai. Est-ce que tu trouves que ta langue, elle est épaissie? Non, mais je sens ma langue molle. Peut-être que j'ai une allergie qui s'est développée à la cannelle ou quelque chose du genre. Ou aux noix. Non. J'ai des noix là-dedans. Ouais, j'ai mangé plein de noix dans ma vie. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin de l'émission, OK? Il reste encore une heure. Il y a vraiment plein de gags avec cette chronique-là à faire. Puis... Oui, je sais, faut se retenir. C'est ça qu'elle a dit. Ouais, oh, OK. Je savais que tu l'aimerais. Oh mon Dieu. Ensuite, on était dans les nouvelles de fast-food pendant que tu étais parti chercher les ciseaux. Tania, on a parlé du fait que Coca-Cola amènerait des bouteilles faites à 100% de plantes. De Mathieu, plantes. Quand même bien. C'est un suspect de quadruple meurtre à Washington, D.C. qui a été identifié après avoir laissé de l'ADN sur une croûte de pizza. Ça s'est passé au mois de mai dernier, mais comme on n'a pas fait d'émission, disons que les nouvelles s'accumulent pas mal. Il aurait dû manger ses croûtes, le petit maudit. Donc, trois membres d'une famille riche de Washington, D.C. et leur femme de ménage ont été trouvés torturés et tués dans leur maison, qui a ensuite été mise par une personne inconnue. Les autorités ont donc nommé Darren Dillon Wint comme suspect principal des meurtres. Ils ont identifié l'homme en regardant donc l'ADN laissé sur la croûte d'une des deux pizzas qu'il a commandées pendant que la famille était en otage. Et il a été arrêté le 22 mai à Washington, D.C. Finalement, on l'a retrouvé. C'était un homme de 34 ans. Qui a voyagé de D.C. à New York et qui a été accusé de plusieurs choses, dont vol et viol sexuel. Je viens de comprendre ce que tu voulais dire par le feeling de la langue. Ah bon, donc je suis pas allergique à rien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre. Ben, ça dépend parce que moi, je suis allergique. Oh, mais c'est, toi, c'est de saveur de pomme, il n'y a pas de vraie pomme. Ouais, non. Mais... c'est dur de parler. On dirait que ta langue, elle suit pas les mouvements que tu fais dans ta bouche. C'est drôle. C'est peut-être la cannelle qui fait ça. Bon. Mais j'aime pas c'est peut-être la cannelle qui fait ça. Don't like the cannelle. Pourtant, je mange beaucoup de choses avec des cannelles. C'est... En fait, c'est de la cannelle intense. C'est à savoir de cannelle en principal. Là. C'est, principal. Le grand nom. Là. C'est le headliner du sac. Le clou de comment t'appelais ça tantôt? Clou plaquettaire. Le clou plaquettaire du c'est sac. C'est dégueulasse. J'en mange plus. Jamais. Le café Starbucks. Hein? Oui. En fait, du café Starbucks frit. Hein? Dans une foire aux États-Unis. Si vous pensiez que le monde pouvait pas, avait pas encore assez de trucs frits, hein? Ben voilà, vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait vrai. À la San Diego County Fair, Deep Fried Starbucks Coffee. Et c'est pas n'importe quel café, il faut absolument que ce soit du Starbucks, bien sûr, tel que vu dans sur une pancarte, en fait, d'un kiosque qui s'appelle Bacon A Fair. Et sur les verres dans lesquels on sert la nourriture, selon Food Beast. Et si vous vous imaginez une croûte bien chaude, remplie de café fondant, Hein? Mais c'est pas ça du tout. En fait, c'est des balles de café, des boules de café moulues avec un petit peu de sucre dessus, garnies de crème fouettée. Ça vient sur un bâton, comme tout dans une foire d'habitude aux États-Unis particulièrement. Et on sait pas comment ça goûte, mais vous pouvez voir des photos sur assemblagerequis.com. On dirait des Timbits un petit peu, avec du café moulu à l'intérieur, ça doit être bon. Je suis désolée d'avouer que moi, ça oui. Ça te... avec du... ça te titille à l'intérieur. Non, du gras, puis de la caféine. Non, mais tu sais, c'est un snack de fin de session. Ah oui. Ah, mais si le café était fondant dedans, un peu comme la boule à poutine, mettons, au festival à poutine, si ça pouvait fondre dans ta bouche, puis qu'il y avait du café chaud, une crème de café. Une crème de café. Avec un peu de Kahlua ou du Baileys dedans. Ouh! Ça serait mon genre. T'as-tu remarqué à quel point on essaie toujours d'améliorer leur recette dans cette chronique-là? C'est jamais correct, hein? Toujours avec du Baileys. Mais c'est ça, c'est fou. C'est ça, c'est fou. Les gens sont jamais contents. Hey! Hein? Je disais, pas de l'alcool. En fait, de la radio de pignon. De pignon sur rue, c'est ça qu'on dit. Eh boy! On est passé de chez Starbucks à Dunkin' Donuts qui va faire un test privé de commande sur téléphone cellulaire avec livraison possible dans le futur. Si la distance entre votre bouche et le beigne le plus près de chez vous est trop longue, ça pourrait changer éventuellement avec Dunkin' Donuts. Le chairman et CEO, le chef de Dunkin' Donuts, Nigel Travis, a annoncé ses plans pour un test de commande mobile avec CNBC, c'est ce qu'il a annoncé. On dit que ça va demander aux gens d'aller... De commander sur leur téléphone cellulaire et d'aller physiquement chez Dunkin' Donuts chercher leur commande plus tard, s'ils veulent faire une commande de groupe pour une réunion par exemple. Mais dans le futur, ils y pensent vraiment de permettre la commande livrée chez vous ou à votre bureau de Dunkin' Donuts. C'est mal. C'est très mal. C'est pas sain du tout, ça. Le ministère de la Santé publique ou de la Sécurité en bon pointisme, arrêtez-les tous! Non, mais Pokémon! C'est ça, j'allais faire! On allait dans le même sens! Excusez! Non, j'aime ça! Ça veut dire non, mais c'est dangereux! Moi, je suis chez nous, je veux un Dunkin' Donuts parce que le plus près, il était allé où? À Montréal. Il était genre à Montréal. Ouais, c'est ça. Je vais dire, hey, je veux un Dunkin' Donuts, je veux une beigne de là. Ils vont me la livrer. Ouais. Non, un jour. Mais hey! Mais hey, peut-être pas de Montréal à Trois-Rivières. Je pense que tu vas un petit peu loin. Je pense que tu vas un peu. Là. Mais bon, en tout cas. Hey, toi, Justine, et toi, Tania, est-ce que vous aimez, tu sais, les Cheez-It, les biscuits au fromage? Non. Non, mais... Les biscuits au fromage? Les biscuits au fromage, les craquelins au fromage. Ouais. Non, même pas les poissons, les goldfish. Je trouve que tout ça, ça goûte tout pas... Une chance que t'étais pas là à se penser, parce qu'on a goûté à ça en onde. Mais à pizza. À pizza et au petit gâteau à la vanille. Ouais. Au petit gâteau à la vanille. Ouais mais ceux au pizza, ils sont meilleurs. Ouais. J'en doute pas. Pizza, ça, je serais willing, mais c'est juste que je suis tellement une amatrice de fromage, de vrai fromage, que genre, je mange des goldfish ou des petits craquelins ou juste des Ritz ou n'importe quoi, puis je suis comme, oh mon Dieu, que c'est infâme. Je comprends ça. Mais bref, les Cheez-It, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est américain, ça ressemble un peu à nos Ritz au fromage ou certains autres petits craquelins au fromage de marque maison, si on veut. Mm-hmm. Mais ceux qui aiment particulièrement les biscuits au fromage, dans la boîte, des fois, il y en a des brûlés. Des autres un peu plus cuits que d'autres. Ah, ça, eux autres sont bonnes. Eux autres sont bonnes ou bons, dépendant. Bon, craquelins. J'ai de la misère avec mes genres. C'est pas grave. Mais imaginez une boîte complètement brûlée. Ah ouais, ça serait parfait. Et pas besoin de barbecue ou de feu de camp pour le faire, parce que c'est la compagnie elle-même qui va sortir une boîte de biscuits que brûlés. C'est pas une bonne idée, ça. Ils vont prendre les restants de biscuits brûlés, puis à la place de les distribuer dans des boîtes normales... Ils vont les mettre dans des boîtes spéciales. Ça va être analysé par un sensor, j'imagine, de noirceur. C'est comme bip, overcooked. Oh my God. C'est malade. Ça va être tellement bon. C'est un projet qui s'appelle Cheez-It Extra Toasty. C'est fabriqué par la marque Kellogg's. Ah ouais, c'est Kellogg's qui a les Cheez-It? Des Cheez-It aux États-Unis, en tout cas, je sais pas. Ah ben moi, est-ce qu'on a ça au Canada? Je sais même pas. Ben oui, on a ça, des Cheez-It au Québec. Ils sont sûrement pas faits par Kellogg's. Ça dépend des pays, des fois. Mais bref. C'est une bonne idée, moi. L'idée est vraiment très, très bonne. Ça va être, en fait, c'est disponible aux États-Unis depuis le 18 mai. On va voir si ça suit au Canada. Donc, s'il y a des Cheez-It extra toasty. Ouais. Mm-hmm. On va voir. Faudrait peut-être y goûter en onde. Ouh! Oh, ben ça, c'est sûr. Ça, c'est clair que moi, quand je vais... Si j'en vois. Parce que ce que je fais, c'est que le mercredi soir, souvent, genre, j'oublie que j'avais une chronique. Tu me le rappelles. Hey, qu'est-ce que t'as pour demain? Là, je te dis, ah, c'est vrai, faut que j'y aille. Là, j'y vais. Puis là, je fais les rangées au complet. Puis je cherche, là, vraiment, là, j'ai les yeux de lynx pour chercher les nouveaux produits que j'ai jamais vus avant. Et je change les plus qu'une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, on va. À un moment donné, je pense qu'on va tout le temps avoir un nouveau produit pour le reste de l'éternité. Ouais. À un par semaine, chacun son tour, mettons. On va arriver à un moment donné avec l'alcool. On va y arriver. Ça. Des fois, on a deux produits. Si tu veux amener quelque chose, à un moment donné, tu peux le faire aussi. Justine de Renault. D'accord. Ça va être quelque chose en purée là, pour ma bouche. Alexandrine est venue la semaine passée. Elle nous avait fait un petit pot de gruyot. Petit gruyot. Gruyot. C'était bien bon. Bon. Les. Non, sais pas quoi en parler. D'anciens ingénieurs d'Apple ont construit un four à 1495$ qui peut identifier votre nourriture avec seulement un bouton. Hein? C'est pas pire, ça? Quoi? Identifier votre nourriture. Identifier votre nourriture. On dit ici que... Attention, là, il y a plein de détails pas importants dans l'article. OK, oui. Donc, il y a un écran de 5 pouces, du Wi-Fi, un processeur NVIDIA Quad-Core Tegra K1, une caméra haute définition qui est protégée par une vitre... Insulated, c'est quoi? C'est isolé, genre? Ouais. Si on veut. Et un seul bouton qui est vraiment le seul bouton physique du four. Il y a aussi 6... éléments pour chauffer et de la ventilation, convection, truc. C'est un four à convection et un four normal. Bref, c'est tout en même temps. Et ça promet non seulement de faire cuire, par exemple, une dinde de 12 livres ou peu importe, mais aussi de comprendre ce que tu es en train de faire cuire à l'intérieur d'une seconde ou deux en mettant le plat sur sur le rack du four. C'est quand même intéressant et ça peut déterminer la température que tu vas devoir utiliser pour faire cuire ton affaire. Ça va identifier la bouffe. Ça va dire c'est une dinde de 12 livres, donc ça a besoin de tel temps de cuisson à telle température selon Internet ou c'est Apple qui le fabrique. Mais comment qu'elle sait la machine que je la veux pas, médium saignant, mettons ma dinde? Alors, ça, c'est une bonne question par contre. Est-ce que c'est un one size fits all? Est-ce que c'est genre tu vas manger ta dinde comme moi dire parce que c'est Apple? Puis on s'entend qu'Apple, c'est tu vas prendre le portable que je te vends, tu vas prendre le sel que je te vends, tu vas vendre l'ordi que je te vends. T'as pas grand choix, t'as pas grande sélection. Fait que ça me surprendrait pas qu'Apple dise c'est la dinde que je te donne, puis si c'est pas content, va prendre un four d'une autre compagnie. Ouais. Ça me surprendrait pas. Il y a sûrement des détails, mais je te jure, l'article mesure 3 km de long. Mon Dieu. Fait que c'est selon The Verge. Allez voir l'article sur assemblagerequis.com. General Mills, on a parlé de Kellogg's tantôt. General Mills ferme son service d'inscription de collation, alors que Kellogg va en ouvrir un. Tu sais, les services par abonnement, mois par mois, là. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est exactement ça. Donc, les boîtes à inscription, c'est très, très populaire, que ce soit des échantillons de maquillage, des objets pour les enfants. C'était quoi cet animal-là? C'était une moufette? Quoi? Je crois que une moufette qui vient de passer. Il y avait une grosse tache noire. Mais ils vendent vraiment gros à l'extérieur des studios. Hein? Une moufette, ça peut être volé. Les moufettes, ouais, c'est ça. Non, mais c'est la madame qui fait l'entretien et qui est partie à voler. Parce que son buggy est là. Il est assez maigre, hein, quand même. Oui, gars, viens. Bon, on pourrait regarder ça toute la journée. C'est comme Dudley dans Harry Potter. Oh wow! Ah, qu'on est pas fin! Donc! Je voulais pas dire qu'elle était grosse! Pantoute, parce qu'elle est pas pantoute. Je voulais dire qu'elle volait. La madame est belle puis elle est slim quand même. Le service de General Mills nommé Nibbler offrait un service d'abonnement par semaine, par deux semaines ou par mois de collation en petite boîte. Le géant des céréales, suivait donc les modes des autres comme Grace et Nature Box. Et l'idée était de faire de l'argent en fournissant aux consommateurs qui le veulent bien des collations pratiques livrées chez eux, donc à la place d'acheter des boîtes de céréales. C'est beaucoup plus facile de les recevoir et de recevoir d'autres nourritures que tu veux avec. Donc, Bloomberg News nous explique que Nibbler a existé pendant un an et demi et la compagnie dit que le service était seulement un test et ça a fait apprendre, ça a mené à de l'apprentissage pour la compagnie. Peut-être genre ne plus faire ça ou le faire autrement. Alors qu'un porte-parole de Kellogg dit que la compagnie cherche toujours de nouvelles façons de contacter les clients et donc maintenant ils vont envoyer de la nourriture naturelle. Donc évidemment le terme est super flou, le naturel entre guillemets, pour attirer les jeunes et les gens qui voudraient bien manger dans la vie et qui sont pas tellement intéressés par les céréales. Donc c'est Kellogg's qui va envoyer des boîtes par abonnement. On va suivre ça bien sûr. Aussitôt que ça va sortir, on va vous en parler. La loterie en Indiana, l'équivalent de l'Auto-Québec, mais en Indiana, amène un billet à gratter, un billet de scratch-off, là, à senteur à odeur de bacon. Omnium. Et Omnium du rock, c'est ça que t'as dit? Non, c'est pas ça qu'elle a dit. C'est pas une présentation du commanditaire, l'Omnium du rock, quand tu fais ça. Non. OK. Je pensais que c'était l'intégration de produits, c'est banana mode. Et un des prix, entre autres, c'est 20 ans de bacon. Oh mon Dieu! 20 years of bacon! Omnium du rock. Donc, en Indiana, c'est la Hoosier Lottery qui vient de présenter un billet à gratter à senteur de bacon. Contrairement à d'autres loteries au bacon, parce que oui, étrangement, ça a déjà existé ailleurs. Ah ouais, oui. Loterie au bacon. Hey, dans quel monde de fucking qu'on vit, là? Voyons c'est fou, donc. Hein? Tout le monde est obsédé par le bacon. Donc, il y a de la viande, oui, d'inclus dans les prix. 20 ans de bacon en jeu pour les joueurs. C'est ça, donc c'est des cartes à 2$ qui sont en vente depuis cet été. Et il y a plein d'autres prix pour tenter les joueurs avec des prix instantanés jusqu'à 10 000$ et 5 chances de gagner. Donc, 20 ans de bacon. Si t'as pas de congélateur assez grand pour mettre tes 20 ans de bacon, vous devez pas avoir peur. Ça va être en 20 installments, 20 parties, en 20 livraisons différentes d'environ 250$ chacune pour permettre la réfrigération facile et bien sûr la consommation de ce bacon à chaque foutu matin. Je suis pas sûr que je m'étonnerais par contre. Ouais, en y pensant, je suis pas sûr que je m'étonnerais.

C'est pas l'allée des produits laitiers. Ah non? Rarement. Non, il faut pas. En fait, non, c'est ça. Je suis passé très proche d'un produit laitier hier. Ah je oui? me suis dit qu'on devrait goûter quand on aura un jour un frigidaire dans le bureau. Ouais, parce que là... Attendre 2h30. Je suis pas certaine que ça fonctionnerait très bien dans notre estomac après ça. Pas tout à fait. Donc aujourd'hui, Tania, on a déjà parlé du fait qu'on devait l'essayer cette semaine. C'est absolument pas original. Donc c'est pour ça que j'ai amené un deuxième produit pour compenser mon Dieu, après. Tu m'intrigues. Vous faites peur, les filles. Justine, t'as le droit de parler en passant? Ben... On dirait que c'est comme... Non, c'est que depuis tout à l'heure, j'essaie de passer à votre problème de frigo. Je me suis dit, si on trouve un moyen de faire pendre la chose à base de produits laitiers de la fenêtre qu'on peut ouvrir, qui n'a malheureusement plus de screen. Parce que je l'aurais squeezé entre le screen et la fenêtre extérieure, puis ça l'aurait gardé au froid. J'avoue que c'est pour la température fraîche, on pourra peut-être amener des produits un petit peu plus froids. Sinon, vous accrochez une corde après la poignée et vous laissez pendouiller l'objet si l'objet... est attachable par une corde. Attachable. Non, mais la madame qui passe pour les fleurs, là, qui va dans la cave de l'université, on la voit tous les matins. Pendant l'émission, c'est notre public, c'est la madame qui s'occupe des fleurs. Mais elle nous entend pas. Non, et on est son public, et je suis sûr qu'on pourrait lui confier notre produit laitier. Probablement. Temporairement, tu sais. Elle pourrait être notre livreuse. Tu veux-tu aller y faire un tour de Doom Buggy? Probablement. Parce qu'elle se promène en petit chariot. Là, avec les produits, c'est ça. Avec les petits produits laitiers, il faudrait rappeler que Tania et moi sommes intolérants au lactose, donc il faudrait faire installer aussi une toilette dans le studio. Ah, wow! OK. Donc, le produit que je vous amène aujourd'hui est celui qu'on a peut-être tous vu récemment parce qu'il y a une publicité, ça vient de sortir. C'est lui que je voulais qu'on ait. C'est ça, c'est ça. Ce sont les nouvelles Doritos Collision. À saveur de piment foudroyant et guacamole. Oh mon Dieu, que ça fait mon. J'ai quand même l'impression que ça va être bonheur. Vraiment bon. Ça va être malade. J'ai aussi l'impression. Une expérience audacieuse, disent-ils. Je sais pas si ça a un placement de produit avec l'émission Les Audacieuses et mercredi 19h à CFU 85. Oh. Évidemment. J'ai aucune idée. C'est sûr qu'ils savent c'est quoi. On du budget. Probablement. Mettez-vous-en plein la bouche et leur slogan en français, alors qu'en anglais, c'est snack boldly. Donc, genre collationner avec audace, si on veut. En français, t'es mieux de t'en mettre plein la bouche. Plein la bouche. Piment foudroyant. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'en anglais, les piments ont chacun le nom du piment spécifique. Comme là, en anglais, c'est habanero. Le piment habanero. Pourquoi est-ce qu'en français, c'est juste piment foudroyant? C'est du piment fort. Tout le temps pareil. Doritos, pour vrai, regardez chacune de leurs sortes de croustilles. Ils ont tout le temps le nom exact en anglais. Et en français, c'est juste une marde comme foudroyant, hallucinant, débile profond. Forcez-vous un peu, là. alors qu'en français et en anglais, c'est guacamole. Évidemment. Il n'y a pas de traduction genre, je sais pas. C'est une mâche d'avocat et... Avocat pilé, genre, c'est pas trop cool. Non, c'est de la guacamole, Colin de Bin. Doritos Collision, vous le savez, si vous connaissez déjà la marque de Doritos Collision, c'est deux sortes de chips ensemble. Il y avait aussi Locos Tacos, Taco Bell. OK. Avec une autre sorte de piment. Je dois avouer que, tu sais, je suis pas du genre à m'acheter un sac de Doritos à l'épicerie. Fait que tu les amènes ce matin, c'est vraiment cool. C'est parce que je les achète au dépanneur. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est parce que c'est parmi les meilleurs chips au monde, les Doritos. Ouais, mais ça tâche les doigts. Ben, lave-toi les mains, Colin. Ouais, mais tu sais, exemple, t'es en auto, là. Ouais, mais tu peux. Quoi? Ah! Elle mange ses chips en auto, la folle! Non, mais admettons qu'il te pogne une envie d'uriner. Il faut que tu ouvres la porte de ta salle de bain, parce que tu la fermes. Puis là, je dis. Là, après ça, il faut que tu ailles te laver les mains. Mais quand tu te laves les mains, ça donne encore plus envie de pipi. Non, mais tout ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est que je suis pas une fille qui va acheter des chips mais à l'épicerie, point, en temps normal. Mange-les devant la TV, puis arrête de chialer. Hein? Assure-toi de pas avoir envie de pipi, par exemple. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, sinon, il va avoir des traces oranges sur tes petites culottes. Il va trop loin comme Jesus. Ça, non? Jesus. Fromage foudroyant. Faut se le dire encore une fois, Tania, on va le dire à chaque fois parce qu'on veut incorporer les gens qui ont un problème avec le lactose, mais ça contient des traces de lait. Ingrédients de lait dans les chips, faisons attention. Peut-être qu'il y a des petites plaques de ton bord. Hein? Pour 21 croustilles de 50 grammes, 260 calories, on veut pas le savoir. On ouvre le sac. Mais sérieux, c'est pas si pire que ça. Je te lance pas le sac, Tania. Lance-le la main. Le micro magique a malheureusement été pris par Justine, donc on va devoir transférer le micro qui est juste là, par-dessus. Non, je peux céder mon micro magique, je peux. Et... Wow! Une chose, je me suis étirée à matin. Merveilleux. T'as fait ton exercice de la semaine. Oui. Non, je suis arrivée en Valérie. C'est froid. On ouvre les Doritos Collision, guacamole et piment foudroyant. Ah, une chance que t'es pas en char, hein? Pourquoi? Qu'est-ce que t'insinues? Ah, ça brasse le sac, on aime ça. Ouais. Oh, my God! Ça sent l'avocat? Ça sent les piments, en fait. Ah, en français, guacamole serait avocat véreux. Ça sent bon. Ça sent bon, je te les repasse pour que tu puisses sentir. Ouais, parce qu'ils sont un peu frippés, il faut les repasser. C'est pas des ripples, mais quasiment. C'est ça. Oui, ça sent vraiment les avocats, je peux le confirmer. Ouais. Est-ce que ça sent le fromage, le piment foudroyant? Pas encore. Tu trouves pas? Pas encore. Moi, je trouve que oui. Moi, je trouve que oui. Je trouve qu'il y a une petite pointe de... De tarte Aldresse. Une de grosse pointe Aldresse. J'ai dit une tarte. Placement de produit. Une grosse tarte Aldresse. Une grosse tarte Aldresse. Ça pourrait être bon. Ouais. OK, j'apprécie. Est-ce que je vais m'en prendre une petite... comment t'appelles ça? Un petit amas aussi. Un petit tas, comment on dit. Après savoir brancher à la poche, tu te pognes un petit tas. Hein? Comment on dit? Colin. Donc on se repasse. Là, c'est pas moi qui ai été trop loin. Je fais des blagues pour notre public de 18 ans et moins. Il aime ça, les blagues vulgaires. Ouais, maintenant, ils sont à l'école. J'avoue que rendu là. Ah, mais on repasse tôt le matin un autre jour. Puis l'après-midi. Justine, je vais nous en mettre un petit peu ici. D'accord, merci. Faut en avoir les deux saveurs. Là. C'est des Doritos Collision. On va quand même pas en ce moment, le ratio est pas bon. Le ratio... Voyons, Tania, le ratio est pas bon. Je te dis, arrête, Tania. Attends, ouais. Shake le. Sors les oranges. Voyons, les guacamoles. Hey, j'ai shake le. C'est du favoritisme. Tu as de l'ostracisation d'orange. Oh, la Doritostracisation. Là, comment on fait? Est-ce qu'on en prend deux? Tu sais, une orange, une verte? Ah, oui. Ben, il faut essayer toutes les méthodes de dégustation. Une à la fois pour commencer, les deux ensemble après. Qu'est-ce que vous en pensez? On les met en poudre puis on les sniffe. Hein? C'est bon ça, on les sniffe. C'est pour aller avec l'ergot de seigle. N'importe quoi. Est-ce qu'on commence par la verte aux avocats ou par le fromage piment foudroyant? Ben, je pense qu'on devrait commencer par l'avocat. Ouais, moi aussi. Parce que l'autre va masquer le goût d'à peu près tous les repas que j'ai mangés cette semaine, incluant son café. Bon, donc, argument, closing arguments pour l'avocat. Allons-y avec l'avocat. Ça sent l'avocat, en tout cas. Ça sent la guacamole, pour vrai. Ah, j'aime tellement ça. Ah, c'est bon. C'est comme un avocat... Du diable. Il y a un petit peu piquant, ouais. Ouais, mais c'est peut-être les résidus de l'autre qui s'est transmis. Ça me fait penser, est-ce que vous avez goûté au Doritos original avec le design old school rétro? Non. Il était un petit peu... ça goûtait un petit peu ça, je trouve. C'est vraiment bon. Et on essaie plus bien foudroyant? On a rien pour se nettoyer la bouche, même. Moi, j'ai un café. Non, t'as un peu café, chaud. Studio, t'as pas droit. Ah, oh, j'ai pas de café. Attention, on est prêt? Ouais. Oh, hey, il pogne dans les joues, hein? Il pogne dans les joues un petit peu, fait un petit kick. Ah oui. Juste assez piquant, pas trop. Il est plus piquant que t'as l'habitude de Doritos avec ouais. Oui, définitivement, mais je veux dire, c'est agréable. Juste assez, c'est pas... T'as l'impression de manger un nachos. Oui. On n'est pas en feu, mais... Oui. Il y a une petite réaction chimique qui se produit dans l'arrière-gorge. Je sais pas. Au fond de la langue. J'aime ça. OK, les deux ensemble? Oui. Oui, allons-y, les deux ensemble. Donc, je vais en prendre un plus gros. Oh. Vas-y, juste ça. C'est fait. C'est fait pour aller ensemble. Meant to go together. Très plaisant. Tu vois-tu mon lien avec la nachos maintenant? Oui. Ça goûte. Il manquerait peut-être s'il avait pu faire collision avec trois sortes. Ouais. Puis avoir crème sûre comme troisième sorte, ça a été parfait. Ah, mais ça existe, man. Des quoi? Des Doritos à crème sûre? Non. Mais je dis des chips à crème sûre dans vos parties. Dans vos parties mélangées. Tout ça, puis ça vous fait un nachos, mais tu sais, comme pas de dégâts. Un bol party mix. Oh mon. De ça. Dieu. Ah, c'est parfait, ça. On vient de réinventer le monde. Mais on approuve tout le monde, je pense, 3 pouces en l'air. Ouais, 3 pouces en l'air. Par personne. Ouais. Ça fait 6 pouces en l'air. Le gros orteil. Hein, quoi? 3 par personne, ça ferait 9. Ouais, c'est ça, je suis comme... Ça allait avec le gag qu'on avait juste 3 pouces chaque. Tu vois le gag? Toi, peut-être, là, mais... Non. T'es vraiment drôle. Faudrait mettre minimum 3 pouces par personne pour égaliser ce que tu penses que... Donc, les Doritos Collision, à saveur de piment foudroyant et de guacamole. On donne un gros thumbs up. Oui, on se guaque le mollet. On se guaque le mollet. Tu sais? Si. Si, signore. Si, signore. Maintenant, on va parler un petit peu de nouvelles fast-food. Mm-hmm. Ça vous tente? McDonald's, on essaie une nouvelle galette de poulet aux légumes. Hein? Plus santé. C'est McDonald's au Japon. Donc, une combinaison évidemment de galettes de poulet et de légumes disponibles dans un burger et dans les sandwichs déjeuner avec des œufs. Donc, c'est une petite galette grillée avec un mélange de poulet, de maïs, d'edamame et de carottes. On dit que c'est une option plus santé pour ceux qui veulent manger. C'est ceux qui veulent, les parents qui veulent donner à leurs enfants plus de légumes, tout en goûtant pas les légumes parce que c'est dans une boulette de poulet. Mm-hmm. Donc, tu goûtes pas autant les légumes. Donc, le Vegetable Chicken Burger avec la boulette, laitue, tomate et une sauce spéciale aux légumes faite avec des tomates, des oignons, du paprika sur un pain style pâtisserie. Il y a aussi une version pour enfants. Bonne idée quand même, peut-être un jour aurons-nous ça. Un burger avec des légumes directement dans la boulette de poulet. C'est intriguant, oui, je suis d'accord avec toi. Mm-hmm. Toujours chez McDonald's, mais cette fois-ci en Pologne, on offre un nouveau McMuffin avec une twist simple, mais on nous dit intrigante. C'est donc une version améliorée, c'est le McMuffin Farmer's Key, donc le McMuffin du fermier, hein, quand même. C'est un McMuffin à la saucisse, donc la galette de saucisse sur un muffin anglais, mais avec une sauce moutarde et réfort et du fromage cheddar à la place du fromage bon oh vieux fromage américain orange. Dieu. Ça m'appelle plus. Réfort, c'est que ça te monte dans le nez. Oui, ouais. Des fois, ça peut être plaisant. Hein? D'ailleurs, il l'offrait gratuitement pendant une certaine période de temps au mois de juin en Pologne. Une combinaison qui m'a l'air gagnante et j'aimerais bien essayer ça. Ouais. Moi aussi. Le McMuffin. Il y a à peu près juste au Quiznos hein, qu'il y a la sauce réfort. Tout à fait. Moi, je l'adorais, cette sauce-là. Très bonne. Je trouve que c'est une sauce pour adultes. Là, quand t'es un vrai homme ou une vraie femme et que tu peux aller voter, tu te prends de la sauce réfort. Tu veux passer au niveau supérieur du. Ouais, là, comment, là, quand ça te monte dans le nez, c'est bon signe. Oui, mais en pas trop, par contre. Quand ça te monte dans le nez, c'est bon signe. C'est bizarre, dit même, hein. Ouais. Pepsi qui considère faire une ligne de Coke. Excusez-moi. Trop facile. Une ligne de boisson gazeuse faite avec du sucre, mais version un petit peu plus genre classe, un peu comme micro-brasserie, mais micro-boisson gazeuserie. OK. Si on veut. Donc, on essaie de créer des boissons gazeuses que les gens vont vouloir boire parce qu'on sait que les boissons gazeuses, c'est en chute libre vers le bas. Donc, une ligne de boissons en fontaine Kraft Fountain Sodas, fait avec du sucre à la place du sirop de maïs à teneur élevée en fructose, qui est utilisé d'habitude pour sucrer les boissons gazeuses. Donc, ça va être la ligne de Stubborn Soda, donc un genre de soda tête de cochon, si on veut. Ouais. Des saveurs comme cerise noire avec tarragon. Je sais pas ce que c'est du tarragon. Ah, c'est de l'estragon. Ah, d'accord. Oui, on peut appeler ça de l'estragon. Ben, tu sais. Hibiscus à l'orange, crème et ananas, ou ananas et crème. Ouais! Et, crème de vanille. Ça a l'air bon. Et crème de vanille et agave. Malade, non? C'est selon l'Associated Press. Donc, oui, c'est des sodas vraiment de micro-brasserie pour vrai. Ça a l'air agave, ça a l'air bon, mais crème ananas, là. Ben oui, mais crème moi, je ananas. Vois des motons. Pas, non, mais ça va, d'ananas. Tu sais, un peu comme les boissons à la vodka aux ananas, c'est super bon, ça. Comment on appelle ça? Avec les breezers! Les breezers, c'est bon. Il y en a aux ananas. Laisse donc faire. Ouais. Donc, ça va un petit peu avec l'autre. On avait déjà parlé dans cette chronique-ci du Caleb Cola et du Mountain Dew Dew Shine, qui étaient des versions un petit peu plus c'est ça, indie, si on veut, des grandes liqueurs. Donc, allez voir les renseignements et l'article de l'Associated Press sur assemblagehockey.com. Maintenant, on part chez Pizza Hut en Australie qui va lancer une pizza à la viande, mais avec une croûte farcie, mais farcie d'une façon différente, vous allez voir. Alors, on a déjà rencontré plusieurs sortes de croûtes farcies, peut-être au cheeseburger, au hot dog, aux crevettes tempura. Donc, la plus récente de la compagnie, c'est les meat pies dans la croûte, donc des tartes à la viande dans la croûte. Pizza Hut Australie qui est en partenariat avec 420, qu'ils ont annoncé donc une série dans une série de tweets de nouvelles pizzas. J'essaie de trouver les détails. Attention, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est meat pie dans la croûte. Donc, c'est à la place d'avoir une croûte normale en rond. C'est comme des petites tartes. Donc, on peut s'imaginer, c'est un peu difficile à décrire, mais un peu comme une étoile ou un soleil avec des rayons sur les côtés. Et chacun des rayons a une tarte à la viande avec, par exemple, tu pourrais mettre du ketchup dessus. Paille exemple. C'est moyen. Paille, excusez. Moyen. Mais donc, du ketchup dessus ou de la moutarde, peut-être alterner. Moi, j'aime bien alterner moutarde-ketchup dans ma tarte au. Oh, tes rayons de soleil, ils seraient comme tout alternant en couleur. Ça serait beau, hein, on dirait un dessin pour enfants. Ah, wow. Pas de sauce au réfort, par exemple. Non, mais ça, tu peux t'en acheter de la sauce réfort, j'imagine, à quelque part. Ah oui, ça doit. On devrait s'acheter de la sauce réfort, en mettre sur tout. Comme moi, je mets de la sauce Red Hot. Oui, ah, moi, c'est la sauce sriracha. Oui, OK, oui. Plus. Je vais stanner vite de la sriracha. Ah, pourquoi? Je sais pas. Ça pique dans les yeux. Ouais, j'aime faut pas ça t'en étendre. On a parlé souvent dans cette chronique-ci de Captain Crunch et de ses différentes variantes. Il y a maintenant les Captain Crunch Caramel Popcorn Crunch. Aux États-Unis, bien sûr. Donc, c'est ça. On n'a jamais la chance d'avoir grand produit le fun au Québec, malheureusement. Donc, Captain Crunch's Caramel Popcorn Crunch. L'article est super long et il dit absolument rien de pertinent. Hey, pour vrai, ça mesure comme 3 pages. Ils l'ont acheté chez Walmart, donc ça existe chez Walmart aux États-Unis. On va pouvoir les acheter sur eBay, c'est certain. C'est coté 7 sur 10, 3 $ par mois. Wow! Aux États-Unis. Cool, hein? Genre bleu. C'est vrai qu'au Québec, on n'a rien. On a quoi? La tire Sainte-Catherine? Voilà. C'est tout encore. Starbucks teste un nouveau format, une nouvelle façon de faire ses boutiques, ses restaurants, version express. Donc, l'Express Store à New York, qui va accélérer le service aux gens qui veulent leur café le plus vite possible. Tu sais, des fois, c'est long avoir un café. Dans juste un café. Pour un café? Ou, tu sais, exemple, tu dis Express avec même le Pumpkin Spice Latte là, qui prend genre 6 ans à faire. Ben, on va voir. Spice Girls sont en demande ces temps-ci. Ouais. Spice Girl Latte. T'en as un genre au Sporty Spice, ça goûte la sueur. donc, la communiqué de presse qui décrit les nouveaux formats Starbucks Express comme l'espresso. Du Starbucks, c'est comme un espresso, c'est comme plus intense, plus flock dans ta face. T'sais. Donc, le magasin pilote est au centre de Wall Street, directement de l'autre côté du New York Stock Exchange. C'est fait pour les professionnels. Le magasin occupe 538 pieds carrés, comparé à Starbucks qui prend d'habitude 1700 pieds carrés. C'est quand même pas mal plus que le double, tout ça. Ça contient aucun siège, ben, sauf les toilettes, j'imagine. Il y a un bar près de l'entrée où les employés sont debout pour prendre la commande. Aussitôt que le client entre dans la boutique, on va t'entendre si tu manges une chip. Il va y avoir donc des stations de commande un petit peu partout dans le magasin pour s'assurer d'avoir le moins de temps d'attente possible. Il y a 4 moniteurs qui affichent les menus en rotation. Parfait pour les personnes qui sont pressées. Moi, je déteste les menus qui changent, par contre, donc ça m'énerve. Tu sais, quand je veux commander, puis là, ils changent de panneau. Fait que là, faut attendre que le panneau revienne pour commander ton affaire parce que tu l'as pas retenu. Moi, c'est mon genre. Starbucks va ouvrir 4 autres magasins de test à New York en 2015. On sait pas encore si le format express va aller ailleurs dans d'autres villes métropolitaines. Mais l'idée est quand même bonne. Subway qui va enlever ses ingrédients artificiels de ses menus en 2017, d'ici à 2017. On se rappelle qu'en avril, là, on avait parlé de ça dans la chronique, qu'il allait enlever l'azodicarbonamide, qui est un produit chimique utilisé pour améliorer l'élasticité du pain, mais qui était aussi présent dans les tapis de yoga. On se rappelle de ça? Même ingrédient. Ouais. Donc maintenant, la chaîne de sandwich va aller encore plus loin en enlevant tous les ingrédients artificiels d'ici 2017. La compagnie va enlever les saveurs artificielles, les agents de conservation de tous ses restaurants en Amérique du Nord, pareil comme d'autres chaînes comme Chipotle, Panera, Nestlé et Kraft, qui ont fait la même chose depuis les derniers mois. Subway disent qu'ils vont enlever les ingrédients artificiels de façon graduelle. Donc quand même une bonne nouvelle. Par contre, j'imagine que ça va être plus difficile pour eux. Il va peut-être avoir un manque de pain. Déjà que quand t'arrives à la fin de la journée, il manque du pain parce qu'il n'y en avait plus en stock. Si en plus, il faut qu'ils commandent du pain à tous les jours parce qu'ils n'ont pas d'ingrédients artificiels pour agent de conservation qui fait que le pain dure plus longtemps. Pour avoir travaillé au Subway, essentiellement, le pain, il arrive en bâtonnet congelé. Okay. Mm-hmm. Fait que c'est de la pâte congelée. Puis après ça, on met dans ce qu'on appelle un proofer qui va humidifier le pain une fois qu'il est décongelé. C'est-à-dire, okay, il faut sortir le pain la veille. Il faut prévoir combien de clients on va avoir le lendemain. On sort le nombre de pain qu'on a besoin. Va tomber à peu près à la température du frigo, puis après ça, on les pitche dans le proofer qui va comme essentiellement injecter de l'eau. Fait que ça va comme vraiment faire gonfler les pains avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, puis après ça, on les met dans le four. Fait que si le matin, tu te rends compte que, tabarouette, la journée, elle avance pas vite, les pains, ils sont en train de... Il y en a de moins en moins, puis il va falloir que j'en aie plus pour l'après-midi pour le service du souper. Ben t'en sors, t'en dégèles, puis t'en fais. Okay. C'est pas comme au Quiznos où t'achètes le pain déjà fait, déjà cuit, mais congelé. Ah, oh, wow, OK. Ah, c'est bon, ça va. Fait que Subway les font sur place. Quiznos les achète cuits, congelés. Mais tu sais, Subway, ils les achètent crus congelés. Dans le fond, c'est ça la grosse différence. Ben, pas au même. J'imagine que c'est mieux de le faire sur place. Ça dépend, hein, parce qu'à mettons qu'ils sont cuits déjà à l'usine, peu importe, puis qu'ils n'ont pas besoin d'être bourrés de plein d'agents, de nanana, parce que la congélation suffit à leur préservation. Rendu là... C'est peut-être mieux de même. J'ai toujours trouvé que les pains Subway étaient particulièrement bizarres dans leur texture. C'est dans vrai, le sens, ils sont comme beaucoup trop fluffy. Oui. Ça, c'est à cause du proofer, entre autres, j'imagine. Mais je sais pas, je savais pas qu'il y avait comme des matelas de yoga dans... Le même ingrédient que le matelas de yoga. Mais est-ce que tu penses que d'enlever les ingrédients artificiels va aider leur cause? Est-ce que ça va être meilleur? Je pense juste que ça va... Ils vont changer... Rendu pour une pièce. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils vont avoir une meilleure image. Ah, ben oui, comme ils ont toutes une meilleure image. Ah, oui, oui, on enlève les produits. Matt, t'avais pas un deuxième. Ouais, on finit ça avec. On arrête les nouvelles là, puis on continue avec un deuxième produit. Bon, on pourrait. Ouais, j'aime ça. On va y aller un petit peu au. En fait, je vais vous poser des questions, puis ça va déterminer le produit qu'on va choisir. Vous êtes mieux d'avoir des opinions similaires, parce que sinon, on saura pas quoi faire. Ah, parce que t'en as plusieurs. J'en ai deux. OK? OK. Donc, est-ce que vous aimez mieux? Mieux. Merci. Est-ce que vous aimez mieux? Est-ce que vous aimez les bleuets? Ouais. OK. Est-ce que vous aimez ce qui est mettons, sec un peu? Est-ce que vous avez envie de sucré ou de salé? Là, on a déjà mangé des Doritos. Ouais, on a mangé du salé, on pourrait manger du sucré. Ouais. Sucré? Ouais. Parfait. On garde l'autre pour une surprise pour la semaine prochaine, d'accord? Okay. Donc, t'as pas le droit de le manger chez vous? Non, je vais faire attention. mais on sait qu'en goûtant un deuxième produit, tu perds du temps pour ta nièce gagner le tétanière, c'est ça? Ah, mais c'est correct, ma chronique, elle est pas super longue. Je veux que tu saches. Donc, on va goûter à quelque chose de vraiment très, très fancy. Pour ceux qui aiment les Fig Newton, j'adore les Fig Newton. C'est les petites pâtisseries avec de la gelée à l'intérieur, ou bleuet, ou peu importe. Les Fig Newton, c'est vraiment très, très, très, très, très bon. Ça, c'est une version très, très naturelle par Nature's Bakery, des barres aux figues, aux bleuets. Yum! Intéressant. Mm. C'est fait de blé entier moulu sur pierre. Hein, pas la personne, genre. C'est ça. C'est trop facile. C'est de l'énergie pour les grands moments de la vie, nous disent-ils. Les grands moments de la vie. Ah, comme notre journée. Parce que je vais pas faire des jokes. c'est certifié, vérifié pour le projet sans OGM. Étant donné que ça vient de Nature's Bakery, on s'attend qu'ils veulent augmenter un petit peu la cote de leurs produits. C'est disponible en plusieurs saveurs aux framboises. Moi, je l'ai pas vu framboise. J'ai vu pomme et cannelle, mais je l'ai pas amené parce que Tania est allergique aux pommes. Merci. Donc, il y a aux figues, il y a aux pêches et abricots. Celui-là, je l'ai vu en épicerie. Et il y a aux fraises aussi. Plus d'informations sur naturesbakery.com. On nous dit que chez Nature's Bakery, notre objectif est simple. Vous procurer le carburant dont vous avez besoin pour traverser les grands moments de la vie et les rendre aussi savoureux que possible. Arrête de rire. Arrête de rire, Justine. Découvrez-en plus sur nos collations à emporter au naturesbakery.com. N'oubliez pas non plus de dire j'aime et de vous joindre à nos adeptes de plus en plus nombreux sur facebook.com/naturesbakery. Hey, je suis adepte de fig bar. Pour vrai? Je fais de la barre aux figues. Mais toi aussi, t'aimes ça pour vrai? Mais c'est non, une joke. Je pense que c'est génial. Tu sais, joignez-vous aux adeptes. Là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hey, je fais de l'escalade. Hop, je suis adepte de fig bar. Ah, j'avoue que le terme adepte pour un fan ou un supporter. Ouais, mais là, relax, là, adepte. Là. C'est ça. oui, donc. OK. Attention, Tania, il va falloir que oui. Tu nous ouvres la boîte. Que je viens évidemment d'ouvrir. Des vierges, déjà. Voyons, Mathieu. J'ai oublié, je m'excuse. Mais tu vas pouvoir la désnapper. Voilà, tu vois. Ah, waouh, que ça s'ouvre bien cette boîte-là. Incroyable. Tu veux-tu que j'en ouvre un petit sachet? J'aimerais ça que j'ouvre un petit sachet, je m'excuse. Ils sont en emballage double, là, c'est marqué sur la boîte, 2 barres par emballage. OK. Wow. Ah, c'est des petits carrés! Ah, c'est des petits carrés! Ah, c'est des tablettes, genre. Je vais en prendre un et le diviser en deux pour Justine et moi. Oui. Et voilà, je te le redonne. Merci de ne pas l'avoir échappé dans les Doritos, ça a fait un drôle de mélange. Ça sent le bleuet, en tout cas. Doritos collision, à savoir de bleuet, pas sûr. Ça sent fort le bleuet, mais j'aime beaucoup l'odeur du bleuet, je trouve ça plaisant. Ça s'effrite pas trop, ça a l'air assez mou. Très, très, très, très mou, même. Ouais, ça sent les figues. J'aime bien ça. Les figues et les bleuets, parce que ça, c'est celui au bleuet. Il y a une version figue sans bleuet, complètement, pour ceux qui aiment juste les figues. Moi, j'aime bien les bleuets, quand même. Ça me fait penser un petit peu à la barre de fibres qu'on a mangée la semaine passée. Ah oui, un peu. Est-ce qu'on mange, on goûte? On goûte. Ça goûte les biscuits à la glace. Non? Je sais que j'avais goûté le plus longtemps possible avant de donner un avis. Moi, ça me fait penser à des barres Nutri-Grain plus haut de gamme. Oui, c'est vrai. Parce que Nutri-Grain n'a pas beaucoup de garniture à l'intérieur. Ça, ouais, exactement. Quand même pas mal. Non, elle se tient un peu, ça aussi. C'est les Nutri-Grain que je parlais la semaine dernière. Il était à quoi, non? Il était au frais, je pense, la semaine dernière. Les fibres 1 qu'on a essayé. Oui, c'était des crumbles. Oui, mais je disais que ça goûtait justement les Nutri-Grain. Mais moi, la raison pour laquelle... en fait, j'aime beaucoup ces barres-là. Je trouve ça très bon et probablement très soutenant. Mais le désavantage est le prix. Ah ouais? Ça coûte un bon 5,69$ pour cette boîte-là. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a 8 petits carrés. 6 emballages doubles. 6 emballages doubles. 12 carrés, c'est pas beaucoup pour se soutenir dans une journée, je trouve. Mais bon. Sachez que ça existe en épicerie. Je l'ai acheté dans mon épicerie locale et c'était là. très à la vue, pas du tout caché. Est-ce que c'est censé être, t'sais, comme bon pour la santé? Je crois que c'est juste que les produits sont plus naturels que les autres, d'après parce moi. C'est quand même 40 grammes de sucre. Ouais, dans ça. Deux, ouais. Mais dans la liste d'ingrédients bon. A l'air de quoi? Ils parlent de pierre. Ils ont mis des pierres dedans. Farine de blé entier moulue sur pierre, sirop de canne déshydraté, sirop de riz brun. Du pâte... vrai sucre, donc, pour commencer, c'est ouais. Pâte de figue, l'huile de canola, pâte de bleuet, sirop de canne biologique déshydraté, sucre moulu, amidon de riz, bleuet, poudre de pomme, glycérine, arôme naturel, blablabla, flocons d'avoine, fibres d'avoine, colorant caramel. OK. Le colorant caramel, là, c'est le colorant dans le Coke que tout le monde dit « Ah, le colorant caramel, ça donne le cancer, nan, nan, nan, nan. » Fait qu'on met du colorant caramel dans leur fig bars. Donc, on n'est pas on sûr de... Mourir. Moi, je suis pas adepte, puis je trouve que le goût, il n'est pas si plus fantastique. Non, les figues Newton goûtent la même chose, quasiment. Les vraies figues Newton. Moi, je trouve que manger des figues, point, ça fait oui, mais... C'est tellement bon. C'est... Ah, des figues Newton, tu m'enlèveras pas ce plaisir-là. Ah, là, là. Mais moi, j'aime bien. Moi, je donne un pouce au milieu. OK? Vous ouais. Pousse. Je le mettrais au corps, mettons. Au corps, ouais, ben, hey, le prix, Colin. Hey, 5$, c'est cuck, man. Je peux m'acheter... Man, excusez-moi. Je peux m'acheter une boîte de céréales genre croque-matin. Les Morning Crisps. Tu sais, les vraies céréales qui goûtent vraiment bonnes pour moins cher que ça. Puis qui sont comme sans OGM, puis il y a des papillons sur la boîte. En plus, hey, tout le monde gagne, hein? Hey, s'il y a des papillons sur la boîte. Hey, il y en a qui sont aux pupitres de chocolat. Pas aux pupitres? Aux pupitres. Aux pupitres de chocolat? Les pupitres de c'est chocolat. Oh! Hey, je l'aime, elle arrête de je parler d'elle. Je sais que tu l'aimes, c'est pour ça qu'on en parle. Donc, Nature's Bakery, remonte-moi donc la boîte, Tania, pour m'aider, s'il te plaît, tu serais fine. Bar aux figues, Nature's Bakery au bleuet, disponible en épicerie pour encore une fois 5,69$. Mais des fois, pour varier les produits, il faut être prêt à payer plus ben pour oui. la chronique. Ça goûte bon. Je suis tout pour là, les produits naturels, mais rendu là, achète-toi une figue, man. Ouais. Tout à fait. Tout je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. C'est tout pour une grosse pointe adresse, les liens. Campagne naine, hein? Sont sur, oui, c'est vrai. Sont sur assemblagerequis.com. Une grosse pointe adresse. C'est une grosse pointe d'adresse. C'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit du commerce, d'un dépanneur, d'une épicerie, quelque chose qui n'a pas rapport, qu'on devrait pas manger, qui n'est pas bon pour la santé. Parce que nous aussi, on se fout des calories. On fait comme tous les blogs de ces temps-ci qui critiquent de la nourriture. Mm-hmm. Mais on le fait de notre propre façon, avec des produits qu'on n'a jamais goûtés. C'est cool. Ben oui, bon. Puis on n'en fait pas d'excès, fait que c'est correct. Non, c'est ça. Une fois par semaine, ça va aller. Est-ce que t'es prête à découvrir le produit de cette semaine? Oui. Ça l'a... Pourquoi tu réagis comme ça? Ça questionne mes sens ce matin. Ben, parce que tantôt, j'ai dit, on va le rappeler, que c'est pas quelque chose que j'aime habituellement. Exactement. C'est pas des chips, de la liqueur, du chocolat. Mm-hmm. C'est dans une catégorie à part. C'est peut-être pas si mauvais pour la santé que ça, on va voir. Mais là, depuis 2 semaines, on mange des bartendes, fait que ça devrait pas être pire. T'as raison. Non, c'est vraiment différent dans le sens que c'est un produit qui va sur une salade. OK. Est-ce que ça dit quelque chose? Comme une vinaigrette? Non. Des croutons. Oh mon Dieu, t'as aucune idée à quel point j'aime les croutons. Moi aussi, j'adore les croutons. Ben, Colin, on va avoir quelque chose en commun, enfin. Là, je fais une salutation à ma mère qui achète jamais de croutons, puis je suis comme, je veux des croutons. Ben, peut-être lui conseilleras-tu les croutons style César fait de pain Texas toast. Oh! Est-ce que tu connais les pains Texas toast? C'est non. Les gros pains super épais là, qu'il y a des fois congelés en épicerie que tu peux acheter et passer au four. Des fois, c'est gratiné. Communément appelé ménage. Genre du pain ménage, ouais. Si on veut, ouais. Mais ça s'appelle communément aussi du Texas Toast. Donc, ça nous dit sur l'emballage, oui. Saveur exquise, bouchée tendre. Mm. Ça me surprend de croutons qui soient tendres. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Là, en temps normal, on veut que ça crunch. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Je me suis dit, il me semble c'est louche des croutons tendres. Et quand je prends le sac entre mes mains, ça n'a pas l'air de trop peser. Okay. Ça n'a pas l'air tendre, ça a l'air croustillant. Mais tu sais à quel point c'est dangereux, ça? Surtout si tu le laisses dans le bureau après notre émission. Ouais, ben c'est ça, on va le finir, je pense, après l'émission. Je pense que oui. C'est quand même un grand sac. Ouais, quand même. Pas trop bien. Donc, crouton style César, ça dit que le produit a été grossi pour montrer la texture. Donc, on s'entend que c'est pas des gros cubes ouais, comme non. sur le sac. Présentation suggérée, donc il nous dit de les foutre sur une table, je pense. Ouais, je pense que oui. Hein. C'est la compagnie Miss Cobbessins. C'est dans l'allée des croutons. Il y a une allée des croutons à l'épicerie où je vais. Il y a vraiment, ben ouais, à côté des sauces puis des vinaigrettes, une rangée croutons.

pile de ces céréales-là dans une garde-manger. Hmm. C'est la première fois que ces noms-là sont mentionnés à Assemblage Requis, je crois. Et ce sera probablement la dernière. Ensuite, une simple recette qui combine, ça va être probablement le dernier, hein, une simple recette qui combine deux saveurs d'automne favorites en un biscuit, pas un biscuit, en un déjeuner saisonnal et automnal. On se comprend. Donc, c'est des poires à la cannelle, à la brioche à la cannelle. OK. Qui va devenir votre collation préférée de l'automne. On a besoin de 4 poires, d'un contenant de cinnamon rolls Pillsbury, et d'une cuillerée à thé de cannelle et de sucre. OK? Donc, pour commencer, on va couper les poires en deux sur le sens vertical. C'est tellement cochon. Oui. On va vider la poire. Ouais. Ensuite, on va placer la pâte roulée dans les poires. OK? On va mettre ça au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que les rouleaux, les brioches soient dorées et que la poire soit elle-même belle et juteuse. Après avoir fait refroidir ça pendant quelques minutes, on va rajouter un petit peu de glaçage de la brioche à la cannelle, ça venait avec dans le truc de Pillsbury, et on va ensuite ajouter un petit peu de poudre de cannelle et de sucre sur le dessus. Simple, vraiment, vraiment, vraiment évident à faire, facile à mort, et ça vous fait votre nouvelle collation automnale préférée. Pas pire, hein? Cochon, hein? Ça finit bien, ça. Ça finit bien. Ouais. Les autres nouvelles sont super intéressantes, mon gars, pour la prochaine fois. La prochaine, j'ai hâte de la faire. Elle est vraiment bonne. Bref, voilà pour une grosse pointe en dresse. On se fait ça les jeudis. Une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à des produits trouvés en magasin, en dépanneur, peu importe, ça pourrait être en restaurant, on pourrait ramener quelque chose d'un restaurant, à un moment donné, je sais pas, n'importe quoi. Mais on le mange pour la première fois, on n'a jamais goûté à l'avance. C'est vrai. C'est clair ça? On aime ça. Donc aujourd'hui, je te sors le produit d'en dessous de la table. Oui. Attention, dans un beau sac. Ouh! Ouh! Attention, est-ce qu'on entend mon sac? Oui, c'est sûr qu'on entend ton sac. Bon. Ça fait longtemps que je le cherche. On m'avait dit qu'il y avait ça chez IGA. OK. Je suis allé chez IGA, il n'y en avait pas. J'ai cherché dans mon épicerie. Moi, je vais chez Métro. Bon, ça donne comme ça. Et finalement, ils ont reçu le 10 produits récemment. Et tant qu'à faire, j'ai acheté les deux. Hein? OK. On parle des Bugles Remix. Ooh. Au cheddar. Et des, attention, Bugles Remix au caramel sucré salé. Ça a l'air bizarre, hein? Vraiment? Donc, on va commencer par le sac de Bugles Remix. Vous connaissez les Bugles? C'est ce qu'on appelle souvent au Québec les Buggles. Oui. Mais ça s'appelle Bugles. Ah ouais? Ouais, parce que sinon, il y a 2G. Hein? Ben, moi, j'ai toujours appelé ça des Buggles. Ben, t'as tort! T'as tort! Donc, voilà, c'est dit. C'est comme un tortagna, tortilla. Mais t'as un tortagna. Ouais. Bref, au cheddar, avec des petits bretzels en carré... pas tic-tac-toe, mais un petit peu carré avec on dirait quasiment des party mix. Oh, ça ressemble à des party mix, en effet. T'as des Bugles normales, mais avec un saveur de cheddar par-dessus, de la petite poudre de cheddar. T'as des genres de, un peu comme dans les Méli-Mélo, les petits bâtonnets au fromage bien straight, oui. Mais en zigzag un petit peu, ça a l'air d'être comme ça. T'as des bretzels en rond. OK. Aussi. Donc, là, deux sortes de bretzels, moi, ça fait deux fois le trop de bretzels, je trouve. Mais ça dépend, là. Est-ce que les deux bretzels sont à la même chose? C'est ce qu'on se demande. Il y a aussi un peu comme dans les Chex Mix. Oui. Une petite tuile carottée, fibreuse un peu. Moi, d'habitude, c'est mes préférés dans les Méli-Mélo. Ah, ouais? Les trucs comme ça, j'adore ces trucs-là. Comme moi. Donc, c'est ça. Ça dit collation Bugles, céréales Chex. Ah, c'est des céréales Chex. Ah, voilà. Ça tombe bien, c'est pareil comme les Chex Mix qui sont disponibles en sac aussi. Mais il y avait juste une saveur et je crois qu'elle a été discontinuée, la saveur de Chex Mix qu'il y avait en magasin. J'aimais beaucoup ce sac-là. Bretzel et craquelin ondulés. Voilà, c'est ce qu'on lui dit à l'arrière du sac. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ça dit quand la faim frappe, répondez avec mordant. Bugles Remix, un classique revisité. C'est par Betty Crocker. La marque, même si eux choisissent de ne pas afficher de logo nulle part sur le dessus de Betty Crocker, c'est seulement Bugles, mais à l'arrière, c'est écrit avec la petite cuillère de Betty Crocker, la cuillère classique. Bon, ça, c'était le sac de Bugles Remix qui, maintenant que je l'ai dans les mains avec l'autre sac, le Bugles Remix est beaucoup plus lourd, mais en fait pas mal plus lourd, je dirais significativement plus lourd que l'autre. Un peu comme le iPhone 6S Plus est plus lourd que l'iPhone 6S. Normal, 6S Plus. Là, tu peux juger, moi, je peux pas. C'est ça. Donc, le caramel sucré et salé Bugles Remix, lui, contient des collations Bugles enrobées de caramel. Okay. Miam. Du maïs soufflé. C'est marqué kettle corn en anglais. En français, on a oublié de dire que c'était donc du maïs soufflé cuit à la marmite. Okay. Kettle corn, ça veut dire cuit à la marmite. Mm-hmm. En français, ils ont oublié. Céréales Chex, encore une fois. Et des bretzels, encore une fois, en rond et en petits quadrillés carrés. C'est les mêmes que dans l'autre sac. J'imagine qu'étant donné que la poudre n'est pas la même dans le sac, ça va faire que les bretzels vont peut-être goûter différents. Peut-être. Différemment ouais. d'une sorte à l'autre. Voilà. C'est ça. Lui, si tu regardes le logo. De la version cheddar, c'est Bugles Remix, tout court. Alors que la version caramel sucré salé, c'est Bugles Remix Popped. C'est une sous-catégorie. Peut-être à cause du popcorn. Probablement à cause du popcorn, ce qui est intriguant quand même. Je te donne les deux sacs. Dans le couloir magique. Dans le couloir magique où les dégâts sont toujours impossibles. Évidemment, le sac fermé, c'est littéralement impossible. Et voilà. Littéralement. Donc, lequel tu veux ouvrir en premier? Le remix cheddar? Ouais, on y va-tu avec salé d'abord? On y puis va avec le salé. Après ça, on va y aller avec salé. Moi, je trouve aussi que le salé va en premier. Ouais. Là, j'essaie de pas faire de dégâts. S'il te plaît. Allez, brasse pas le sac. Ah ouais. Oh! Oh, le cheddar sent vraiment fort. Ça sent le cheddar là-dedans, les J'espère amis. J'espère bien. Je vais m'en prendre une petite poignée, juste assez pour qu'on ait un peu tout. Ouais. Oublie-en pas, il y a deux sortes de bretzels. Ouais, mais bretzels. C'est ça, j'essaie de l'attraper. Au revoir. Ça sera pas très long, je vais me sortir un petit bâton comme ça. Sors-toi le bâton, oui. Brasse-toi le sac, sors-toi le bâton, comme on dit à chaque semaine. Et voilà. Bon. Bon, la bretzel carrée, okay, je l'ai okay, finalement okay. trouvée. Okay. Il y en avait une dans le sac. Merci. Je le prends de mon côté. Je vais y aller, moi aussi, avec un déversement. Et on va commencer à goûter. Quelle sorte est-ce qu'on goûte en premier, selon toi? Ben, je pense que on serait bien de goûter à la Bugle, comme tu l'appelais. La Bugle. Bugle. Bugle. La Bugle. OK. On va voir si ça goûte autant le cheddar que ça devrait. Ouais. Allons-y. Go. Go. Oh, j'aime tellement les Bugles. Ah. Ça goûte la meilleure saveur au monde. Ça goûte le classique Bugles. Je mangerais ça à tous les jours. Ouais. Allons-y avec un Chex Mix après ça au cheddar, c'est tendu. Ça, c'est? Le petit carré quadrillé. OK. Attention. Oui, je l'ai ici. Le pas goût, mauvais. C'est similaire. Un petit peu plus... un petit peu plus sucré. C'est vrai, c'est comme sucré un petit ouais, peu, hein? Les Chex. Le carré bretzel, peut-être? Oui, allons-y avec le carré bretzel. T'en as trouvé facilement, toi? Oui, quand même. Ah? Lui, je penserais pas qu'il va goûter tant ce cheddar, mais je vois la poudre dessus, donc peut-être. Ouais. Pas de transférer. Un bretzel. À goût de bretzel normal. Le petit craquelin en vague. Ouais. Je suis prête. Ça goûte pas comme je pensais dans les Mini-Méo. Ah. Un peu, oui, un peu. Non. Ça goûte pas le fromage, je trouve. Pas tant, hein. Puis il manquait les ronds bretzel. Ça veut goûter les bretzels. Ben, j'aime vraiment ça, moi. Oui. Au cheddar, là. Miam. Mais les pretzels sont un petit peu décevantes. Ouais, mais c'est pour enlever un petit peu de... Mais ça, j'aurais mis une saveur aux pretzels. Ouais. C'est sûrement pour ajouter du croquant dans ton mix. Quand tu prends une poignée, t'es supposé prendre une poignée de tout en même temps. Est-ce qu'on prend une poignée de tout en même temps? On devrait prendre une poignée de tout en même temps. Je pense que je vais avoir de la misère avec le sac placé comme ça. Je pense que je vais avoir de la misère à mettre tout ça dans ma bouche. J'ai pas de pretzel. OK, j'ai une pretzel, une tuile... Et un Bugles normal. J'ai un paquet de n'importe quoi et un bretzel. Et j'ai tout échappé? Non. Moi, j'y vais. OK, j'y vais aussi. Ouais. Ouais. Absolument. Une fois tout mélangé dans ta bouche, c'est très... très fromagé. Mm-hmm. Évidemment, parce que le Bugles est... très, très fromagé, mais ça se mange bien. Moi, j'en ai versé un petit peu trop sur ma feuille. Moi aussi. Je vais essayer de le reverser dans le sac ou dans ma bouche. Une partie dans le sac et une partie dans ma bouche, OK? OK. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. J'approuve. Est-ce qu'on essaie l'autre? Celui caramel salé? Mm-hmm. Allons-y pour l'ouverture du sac. C'est le sac de Bugles Remix Popped. Ah, ouvert de façon vraiment remarquable. T'es rendu bonne pour ouvrir ça. Vraiment, Oh! Ouh! Oh! La saveur est-ce que tu as senti de ton côté? Est-ce que ça s'est rendu à toi déjà? Pas jusqu'ici, non. Je comprends pas, j'ai même pas besoin de me mettre le nez dans le sac. C'est trop caramel sucré et salé. Bugles Remix Popped avec du popcorn à l'intérieur. Mais c'est drôle parce que... J'ai l'air d'en avoir moins dans le sac. Hein. On dirait qu'il y a pas de Bugles. Mais là, ils sont supposés être en plus recouverts de caramel. Il y a plein de tuiles, mais il y a pas beaucoup de Bugles. Ok, attends, je viens d'en trouver. Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de popcorn. Ça coûte pas cher. Il y a vraiment beaucoup de popcorn. Le popcorn a l'air aussi nappé de petits caramels. Je te le prête dans le couloir magique. Merci beaucoup. Alors, j'ai un bugle, une tuile et du popcorn. Est-ce que c'est tout ce qu'il devait y avoir? T'es supposé avoir bugle, maïs soufflé, Chex et bretzel. Oh, j'ai pas de bretzel. Ok, je t'en envoie un, ok? Ok. Attention. Tiens. Couloir magique. Merci. Plaisir. Ok, j'ai de tout moi aussi. Ok. Je crois. Ah, attends, il me manque un bugle. Hey, coudonc, pour un produit qui s'appelle bugle, il aurait pu se forcer pour en mettre plus que ça. Avoue, il n'y a pas beaucoup de bugle dans le sac. C'est un peu décevant, ça. Ok. Donc, on commence par un bugle au caramel. Allons-y. De ce pas. Ça enlève un peu la texture d'un bugle, par contre. C'est vrai, hein? Ça goûte le caramel et non pas le bugle. Ça goûte beaucoup le caramel. Ouais. Mais on dirait, t'as raison, que la texture a changé. C'est pourtant, ça. L'autre est juste saupoudré de fromage. Ouais. Alors que celui-là, on dirait qu'il est enrobé. Donc vraiment, il a peut-être été trempé un petit peu dans ouais, le on dans dirait, le caramel. Ouais, t'as raison. On dirait ouais. qu'il a comme séché sur le bord d'un comptoir dans le caramel. Ça enlève un peu la saveur du bugle qu'on recherche, oui. malheureusement. OK, ensuite, un Chex. Ça, c'est... La tuile. La tuile, allons-y. Il y a deux sortes de tuiles, hein, t'as vu? Ah ouais? Des non. plus foncées et des plus pâles. J'avais pas vu. Ça, c'est plus salé. C'est ça qu'il veut dire par sucré salé. C'est que les Chex sont salés. Ouais. C'est cool, ça. Le pretzel aussi va être salé, j'imagine. Peut-être. Ben ouais, ben allons-y avec le pretzel. Je pense que ça va être assez évident. Ah ben, comme... Un petit peu salé. Un petit peu de quelque chose. Mais il l'est pas trop. Non. Moi, je me demande si le popcorn, comme il est beaucoup plus présent dans le sac, s'il va être sucré ou salé. Ou il va être à rien. Il va être à rien. Peut-être qu'il va être à rien. Ça serait décevant. Ça serait décevant. Il est les deux? Ouais. Il est les deux? Il est aux deux! Ok, on se verse une petite poignée pour essayer de ouais, tout en même temps? Ouais, parce que j'ai plein de popcorn pis plus rien du tout. Ok, il manque quoi? Il manque un bretzel, ok. J'aurais besoin du sac aussi. Oui, je te donne le sac. On a dans beaucoup le... de manipulations à faire. Oui. Mais on veut que vous sachiez ce qui est meilleur. Est-ce qu'on les mange individuellement ou... On les mange ensemble. C'est des expériences qu'on fait pour vous. Là. C'est pour le bien public, finalement. Si jamais ça vous tente de les essayer aussi. C'est un peu le but, c'est que vous achetiez le produit vous-même. Je viens de voir l'autre petite tuile dont tu me parlais. Ouais. Ah ben, maudit, ça goûte les céréales. Ah ben, maudit, ça veut dire que les deux sortes de tuiles... Goûtent totalement différemment. Ah ben, voyons donc, toi. Ben oui, c'est marqué céréales Chex, il y a deux images dessus. OK. Elle goûte vraiment différemment. On y va avec le keto complet. OK. Un check. Un chac. Et? 3, 2, 1. Ah ouais. Tellement mon jour de collation. Aucunement santé. Mais ben, on dit aucunement santé. Le popcorn, c'est bon. C'est pas si pire que mais ça. Mais il est sucré, là. C'est pas du popcorn sucré, normal. Oui. Mais moi, je préfère, entre les deux, je choisirais le cheddar. Je trouve qu'il y a un petit kick de plus, que le caramel sucré-salé est un petit peu fade. Avec mes sandwichs le midi, je mangerais le seulement salé. Ouais. Et si jamais un soir, devant un film, j'ai goût de grignoter quelque chose, peut-être que j'irais vers le caramel salé. Ouais. Mais les deux sont excellents. Les deux sont de très, très bonnes idées. Bugles, Betty Crocker, félicitations à vous. Ça compense pour le jus terrible de la semaine dernière. Ça compense pour les dernières semaines où on a donné beaucoup de pouces au milieu, de pouces en bas. Ouais. Là, moi, je donne clairement un pouce en haut. Là. Moi aussi. On aime ça. Génial. Bugles Remix Popped avec du popcorn. On essaye-tu un Bugles au fromage avec le popcorn? Arrête. Est-ce que tu veux prendre un Bugles sucré-salé et un Bugles au cheddar? Ce serait encore plus cool, non? Peut-être. Et c'est ça, moi, j'ai essayé car... Le Bugles au cheddar avec le popcorn caramel. Ok, attends un peu, il faut que je cherche les Bugles dans le sac de sucré salé. Il y en a pas. Il y en a vraiment pas beaucoup, hein? C'est vraiment décevant, ça. Ils en ont quasiment pas mis. Ok, je pense que j'en vois. Même pas, j'en vois pas. OK, il y en a un ici. OK. OK. Okay. Moi, c'est un bugle de chaque. Go. OK, allons-y. Je sais pas. C'est intéressant comme goût. Intéressant, bizarre, parce que t'as vraiment comme... Ouais. Sur la langue, j'avais un goût, puis sur, dans le fond de la... Un autre. Ouais. C'est spécial, mais j'aime ça. Puis je pense qu'il aurait peut-être pu faire ça dans le sac de... Il aurait pu juste mélanger les deux. Ouais. Un jour. Pas mauvais. Bonne idée même. Ouais. OK. OK. Comme on a goûté à ça, j'étais en train de dire les noms des produits tantôt. Mm-hmm. Bugles Remix Popped, caramel sucré salé et Bugles Remix Cheddar. Ce sont les deux produits qu'on a essayés aujourd'hui pour vous. Et pour terminer, on parle toujours de nouvelles de fast-food. Oui. Commençons avec Domino's, qui vient de révéler une voiture de livraison de pizza qui a pris 4 ans à conduire. C'est comme la Batmobile de Domino's. OK. Hein? Donc, c'est la Domino's DXP pour Delivery Expert, mm-hmm. expert de livraison. Une Chevrolet Spark modifiée avec un four pour réchauffer la pizza et de l'espace pour 80 pizzas, des à côté, des bouteilles de liqueur de 2 litres et des sauces à tremper. Le siège du conducteur est le seul siège, il n'y a pas de siège pour l'accompagnateur. Il y a même une lumière qui projette le logo de Domino's sur le sol. Hein? Et la DXP est vraiment une voiture belle et efficace pour eux. C'est Local Motors qui avait déjà construit une voiture imprimée en 3D, qui a fait une compétition en c'est crowdsource, donc ils ont demandé à la communauté de les aider pour trouver les éléments parfaits pour le design. Et c'est Roush Enterprises, le développeur de la voiture qui se conduit tout seul de Google, qui a assemblé cette DXP. Et l'agence Crispin Porter & Bogoski, qui est derrière le tracker de Domino et d'autres promotions qu'ils ont fait, qu'on a déjà parlé dans cette chronique-ci, par rapport à la commande par emoji et text and tweet pour commander une pizza. Bref, c'est eux qui ont travaillé sur le design extérieur de la voiture. Il y a 100 de ces véhicules-là qui sont en production en ce moment, et d'ici la fin de l'année, ça va être une publicité mobile, si on veut, pour la livraison de pizza à Boston, Détroit, Houston, en Nouvelle-Orléans, à San Diego et à Seattle. La DXP de Domino's. Donc, allez voir l'article pour plus de photos et des gifs animés, des vidéos de cette voiture-là qui est vraiment... ça fait très, très Pimp My Ride. Mm-hmm. Avec le gros four à 80 pizzas dedans. Oh. C'est malade. Ma description ne lui fait pas justice. Et en plus, elle est très, très, très américaine, bleu, blanc, rouge. Alors, on dirait un popsicle rocket, là, tu sais. Oui. Tu sais, les petites fusées en popsicle, mm-hmm. bleu, blanc, rouge, avec les lignes comme ça. C'est vraiment joli, donc la DXP de Domino's. Ensuite, Coke a créé un podcast, une balado-diffusion avec la compagnie iHeartMedia pour cibler les adolescents. Le géant du breuvage est donc le premier partenaire publicitaire de iHeartMedia pour ça. Coca-Cola, qui a travaillé avec iHeartMedia plusieurs fois par le passé. Mais c'est la première compagnie dans la division de contenu branded content, qu'on appelle, donc du contenu partenaire, si on veut. Okay. Donc le résultat, c'est un podcast pour les adolescents qui s'appelle iHeartRadio First Taste Fridays with Coca-Cola. Hein? J'aime les animateurs qui vont devoir... Je les encourage fort à se pratiquer à dire iHeartRadio First Taste Fridays with Coca-Cola, qui est une source pour les premiers goûts, les premiers essais, la première façon de se mettre en bouche la nouvelle musique et des entrevues avec des artistes. Donc derrière le rideau, si on veut. Donc c'est une émission de musique en partenariat avec Coca-Cola. Quand même. C'est un peu poursuivre le succès de Serial, qui était une balado-diffusion c'était sur un crime. Est-ce que c'était sur un tueur en série? Je crois que oui, Serial. Aux États-Unis, ça a été bien populaire. Je pense que oui. C'est la première grosse balado-diffusion qui a eu un grand, grand succès. Donc, on s'est dit, chez Coca-Cola, on pourrait faire la même chose avec Coca-Cola. Ensuite, c'est un café à Londres qui devrait changer apparemment son nom. Un nom qui offense, qui offusque les gens, même si c'est un jeu de mots excellent. Donc c'est un café à Londres qui s'appelle Fuck Offie, comme Fuck Off et comme Coffee, fuck off, ouais. On se comprend. Et le propriétaire demande qu'ils enlèvent leur pancarte, leur logo, qui est le nom de l'entreprise en fait. Et je sais pas si tu vois dans le coin en haut à droite de la lettre, je sais pas si c'est le logo de quoi, mais on dirait qu'il y a un pénis de dessiné dessus. Oh. Je sais pas trop. Je sais pas qui a dessiné ça. Bref, donc c'est ça, c'est Malcolm McLaren qui a ouvert... un café à... Pardon, ça, c'est une autre chose. C'était Malcolm McLaren qui avait ouvert un magasin à Chelsea qui s'appelait Sex. Et ça avait fait controverse aussi. Donc, dans ce cas-ci, c'est Fuck Offie qui a pris une photo de la lettre qu'ils ont reçue. Ils ont tweeté ça au monde entier avec le sous-titre « Pas d'humour, s'il vous plaît, nous sommes britanniques ». Et c'est ça. Son café s'appelle Fuck Offie. Pourtant, un excellent jeu. C'est bien. Ensuite, Twix cherche un vrai lapin à mettre sur ses boîtes de céréales. Tu sais, les céréales Twix aux États-Unis sont connues pour leur mascotte. Oui. Un petit lapin, dessin animé. Blanc, si je me souviens bien. Blanc, exactement. Qui, le slogan des céréales disait que c'était pour les enfants et non pour les lapins. Mm-hmm. Silly Rabbits, Twix are for kids, leur slogan. Donc ici, on a une boîte de céréales avec un lapin en pointillé, juste un nombre de lapins si on veut, et on demande aux gens d'envoyer leur propre lapin. C'est la marque de General Mills qui vient de lancer Real Twix Rabbit. Une compétition pour trouver un vrai lapin vivant pour remplacer sa version animée sur des boîtes en édition limitée dans la ville où vit présentement la personne qui va gagner le concours. Bref, ça va être seulement dans la ville où la personne gagnante vit. Le concours est pour le lancement en janvier d'une version reformulée de Twix, ainsi que Coco Puffs, Golden Grahams et d'autres céréales de General Mills qui vont avoir donc de nouvelles formules. Je dois dire que j'ai un peu peur des nouvelles formules en alimentation. Ouais. On sait tous que c'est pas nécessairement des succès à chaque fois. On a juste à penser à Coke et d'autres nouvelles formules. Moi, évidemment, on connaît pas ici au Québec les Twix et les Coco Puffs, mais on connaît les Golden Grahams. Mm-hmm. Et s'ils changent la formule, ça va nous affecter nous aussi un jour. Ça n'utilisera plus de couleurs artificielles et ni de saveurs artificielles dans ces céréales-là. Toutes les céréales de la compagnie vont se débarrasser de ces ingrédients d'ici 2017. Les soumissions pour les photos et les vidéos de vos lapins vont être acceptées jusqu'au 8 novembre. Et il y a plusieurs critères pour juger votre lapin. La créativité en premier. On cherche aussi une bonne représentation de lapin Twix et de la marque elle-même. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas comment un lapin peut vraiment représenter la marque correctement. Mais bon, j'imagine qu'il faut pas qu'il soit tout nu. Ça pourrait être déplacé. Pas de fourrure. Ils veulent aussi un lapin avec des oreilles de lapin. Même si c'est, là, c'est pas un lapin, ça peut être un animal de compagnie qui aurait des oreilles de lapin en costume, genre. Ah, OK. Voilà. Pour que ce soit amusant et mignon, disent-ils. Hmm. Ensuite, la compagnie IHOP, ça c'est la place de crêpes aux États-Unis. Oui. Qui essaie de rire des seins des femmes, mais c'est un échec misérable. Ben là, j'espère. C'est tu ris pas de ça. Non, c'est ça. C'est sur Twitter, IHOP qui a posté un tweet en montrant une grosse pile de crêpes avec du sirop. Et le tweet disait « Flat, but with a great personality ». Oh, c'est méchant. Donc on parle des crêpes, mais ça dit « plate, avec une très bonne personnalité ». Hein? Donc c'est une erreur évidemment de jugement par rapport aux femmes. Évidemment tout le monde en a parlé sur Twitter et s'est renvoyé ça en disant comment osez-vous avoir fait ça. Le tweet est resté là plusieurs heures. Mais ensuite après le buzz, IHOP a dû effacer le tweet avec une petite excuse qui disait « Plutôt aujourd'hui nous avons tweeté quelque chose de stupide et d'immature qui ne reflète pas ce que IHOP est supposé être. Nous nous en excusons. Hein? » Je suis d'accord que ça peut indigner des femmes là. Mais, tout le monde le pense. Oui, c'est OK. Ouais. Dans le sens qu'une fille qui a une poitrine plate, tout ce qui va nous attirer chez elle, c'est sa personnalité. Parce qu'elle a pas de sein, donc on peut pas être attiré par ses seins-là. Non, mais tu sais, ce que je veux dire, tout le monde doit faire des gags par rapport à ça. Fait que c'est quoi vraiment qui est indignant du fait qu'on le poste? Ouais, j'avoue que les gens ont tendance à peut-être ambitionner un petit peu sur leur réaction. C'était voulu comme une blague, c'était clairement une blague. C'est ça, tu sais, c'est une blague, là, ils t'attaquent pas personnellement. Non. Et en plus, Tu sais, il a pas dit genre Georgette Caron. Non, c'est ça. T'es plate, mais ta personnalité est belle. Mais peut-être que la façon de le faire. Mettons la phrase en tant que telle, flat with a great personality, est correcte en tant que telle parce que ça fait pas référence au sein. Si toi, tu penses croche et que tu passes au sein, ok. Exactement. Sauf que si c'est ça, c'est que là, présentement, t'as pas les liens parce que je les ai pas envoyés avant. Mais la photo montre une pile de crêpes avec du sirop dessus et une boule de crème glacée exactement à l'endroit où pourrait être le mamelon. Donc là, on fait plus référence au sein dans ce cas-là. Oui, mais quand même. Ouais. Je trouve que les gens sont vite indignés. Ils sont tout à fait vite indignés, ça c'est vrai ça. Surtout les jeunes de la génération Y. C'est ça, mais je dis pas que c'est bien non plus d'aller rire des seins des femmes ou quoi que ce soit. C'est même pas le cas dans le tweet. Et voilà. Tiens, quelque chose d'un petit peu plus inoffensif et qui risque pas d'offusquer grand monde, c'est encore un tweet, c'est une chaîne de restauration de poulet qui a demandé à un vrai poulet d'écrire ses tweets. Hein? Une pensée très très intelligente de la part d'un poulet. Donc c'est une chaîne de barbecue australien Chicken Treat. Hein? Et c'est donc un poulet. La franchise a mis un clavier à l'intérieur de sa maison du poulet. Comment t'appelles ça? La cage de poulet, peu importe comment t'appelles ça. Mm-hmm. Et le poulet, la poule s'appelle Betty. Hein? Et pendant plus d'une semaine, elle a utilisé la méthode du bec sur le clavier pour diffuser de la part de la chaîne de restaurant Chicken Treat. Hein? C'est une campagne promotionnelle qui a évidemment généré plein de bons commentaires. Ça ressemble un petit peu à Gloria chez Burger King qui faisait le tour des différents Burger King au printemps dernier pour décider si le restaurant allait servir des chicken fries. Donc c'est le poulet qui décidait s'il allait avoir des frites au poulet chez Burger King. Bref, Betty, un peu la même chose, mais sans le pouvoir, parce que tout ce qu'elle fait, c'est tweeter. Bon. Donc, par exemple, le premier message de Chicken Treat, at Chicken Treat, étant XZ, virgule, virgule, espace Z, espace Q12, apostrophe, apostrophe, apostrophe, accent grave, accent grave, accent grave, et etc., etc., etc. Ça continue longtemps comme ça. Mais surtout des accents graves et des apostrophes, je trouve. Wow. Il est un petit peu obsédé, je pense. Des fois, c'est un petit peu plus concis. Hein? Des fois, ça va être 6YVIT, hashtag Chicken Tweet, mais je pense que c'est pas elle qui a écrit Chicken Tweet. Penserais pas, non. Pas sûr. En tout cas. Donc, Betty, qui des fois ne suit pas nécessairement le message que la compagnie voudrait envoyer, ne fait que tweeter ce qu'elle veut. Vous pouvez aller voir la petite vidéo de son entraînement pour apprendre à tweeter. Hein? Ça dit qu'elle s'occupe du compte jusqu'à ce qu'elle produise un mot de 5 lettres en anglais. Elle aura donc le record Guinness du premier poulet qui a tweeté un vrai mot en anglais. C'est cool, hein? C'est surtout niaiseux, là, tant qu'à moi. C'est un petit peu niaiseux, mais en même temps, ça fait vraiment parler d'eux, puis je trouve que c'est cool. Oui. C'est sûr, ça fait parler. Voilà. Allez, ça va être tout pour une grosse pointe d'adresse. Ouais, bon, on a fini quand même sur une note quand même pas si pire. Oui, oui, oui, quand même, avec les craquelins au cheddar et au caramel. C'est quand même bon. C'était bon. C'est ça. Mais le jus, on repassera. On l'avait fait goûter à plusieurs personnes en plus et beaucoup disaient que non, ça passait pas le test. Dans les bureaux ici, ça fait consensus ce jus-là. On l'a même pas fini. On l'a jeté à la poubelle après l'émission. C'est incroyable. Bref, ça arrive pas souvent, ça. Voilà, c'est tout pour ce spécial sur une grosse pointe à l'adresse. On a fait 3 émissions spéciales que vous avez retrouvées dans l'ordre dans le désordre pendant les fêtes. Donc, à sondagerequis.com pour savoir quand ça joue. Merci, Tania. Merci, Mathieu. Merci, évidemment, à tout le monde qui a participé à l'émission pendant la saison. Merci à ceux qui sont restés pour une grosse pointe à l'adresse. Puis, on se retrouve une autre fois. Quand ça arrête, on rêve, la rêve, la rêve. Crescent! ses brunettes, lettres, allumettes, fait un petit peu brun comme une allumette. Qui m'allume en masse, j'en ai comme je m'en masse, je m'assume, me fous de ce qu'on présume. Mais ça d'un pipi fume. Si je résume, c'est toute forme de coup de sonne posé par l'enclume. Yeah, c'est parce que je l'en bombe, parce que je trime ses feuilles, tu presses les jambes. J'envoie l'Amazonie dans le son de ta cascade. Hey.